Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Profitons de ces quelques jours de vacances pour revoir ensemble les meilleurs titres de l'année. Lorsque Langdon met en évidence la résurgence d'une ancienne société secrète, les Illuminati, la plus puissante des organisations secrètes de l'histoire de l'humanité, il met également à jour une menace mortelle pour l'existence de son ennemi juré, l'Église catholique. Des milliers de personnes sont rassemblées sur la place Saint-Pierre. Le nouveau pape n'a pas encore été désigné. Un ennemi ancestral nous attaque. Trouvez le professeur Langdon. Il a révélé l'un des plus grands complots de l'histoire de l'humanité. De Vinci. Quelle découverte terrifiante peut pousser le Vatican à se tourner vers lui. Des Illuminati. La société secrète des Illuminati se vouait à la vérité scientifique. L'Église catholique a ordonné un terrible massacre pour les faire taire à jamais. Ils viennent obtenir vengeance. Il y a un chemin secret en plein Rome. Je dois consulter les archives du Vatican. Les archives ne sont consultables que sur décret du Saint-Père. C'est vous qui m'avez fait venir, je vous le rappelle. Voilà le premier signe. Quelle sorte de signe? Terre, air, feu, eau. Et le cinquième signe. Que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Mon père, si Dieu est mécontent, ce ne sera pas de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on va faire. Ange et démon, par l'auteur du Da Vinci Code, Dan Brown, réalisé par Ron Howard avec Tom Hanks, un DVD Sony SPHE.